Chapitre 11. Le pays des Camisards. Sur le mont Lozère. En sortant du bois, Stevenson ne trouva plus de traces de chemin. Un alignement de pierres plantées, comme pour le mont du Goulet, le guidait sur cette pente où ne pousse plus que du gazon. Le soleil était chaud. Il quitta sa jaquette, ne gardant sur lui que son tricot. Modestine, en belle humeur, se mit pour la première fois à trotter de son propre mouvement. À chaque pas de montée, la vue en arrière s'étendait plus au loin dans le nord du Gévaudan. Quelques arbres, quelques maisons isolées apparaissaient sur la vaste étendue de cette chaîne qui s'élève au nord, à l'est et à l'ouest, dans un lointain vaporeux doré par le soleil du matin. Des vols de petits oiseaux se levaient en gazouillant à l'approche du voyageur, se posaient sur les pierres alignées, picoraient dans l'herbe ou volaient en cercle dans les airs. Depuis quelque temps, un murmure sourd arrivait à l'oreille de Stevenson, pareil au bruit d'une cascade lointaine. Ce bruit devint bientôt un sifflement prononcé, et en même temps, il sentit des bouffées d'air frais qui lui arrivait du sommet de la montagne. Il comprit bientôt que le vent du sud soufflait avec force sur l'autre versant de la Lozère et qu'à mesure qu'il approchait de la crête, il en ressentait davantage les atteintes. Ce sommet, si longtemps désiré, ce fut presque sans s'en apercevoir qu'il l'atteignit. Un pas qui n'était pas plus grand que tous ceux qu'il venait de faire le mit en présence d'une nouvelle partie du monde. Au lieu de cet immense rempart gazonné qu'il avait si longtemps escaladé, il avait au-dessus de sa tête le ciel à peine noyé d'une brume transparente et à ses pieds une contrée couverte d'un réseau de croupes baignant dans l'azur. La chaîne de la Lozère court de l'est à l'ouest, coupant le Gévaudan en deux portions inégales. Son point culminant, le pic de Finiels, sur lequel Stevenson se trouvait, s'élève à 1702 mètres d'altitude. Par un temps clair, la vue s'étend de là sur tout le bas Languedoc jusqu'à la Méditerranée. Derrière lui, il laissait au nord cette contrée montagneuse qu'il venait de traverser, contrée déboisée, habitée par une population d'intelligence lente, mais devant lui, à demi voilé par une vapeur transparente, s'étendait un nouveau Gévaudan, riche, pittoresque, et que des événements dignes de mémoire ont illustré. Au monastier et dans les endroits qu'il venait de parcourir, Stevenson était sans doute dans les Cévennes, mais la contrée mouvementée et couverte d'arbres qu'il avait à ses pieds, c'était les Cévennes des Cévennes, pour parler comme les gens du pays. C'était la contrée des Camisards, la patrie des cavaliers, des Rolands, des Castanets, guerriers étranges, inspirés par l'esprit prophétique qui infligèrent aux troupes de Louis XIV de sanglants échecs. Les piliers de pierre qui avaient dirigé Stevenson n'allaient pas plus loin que le bord du plateau sur lequel il s'était arrêté pour contempler le panorama qui s'offrait à sa vue. Mais on pouvait descendre par un sentier de chèvres en lacets jusqu'au bas d'une pente vertigineuse, au fond de laquelle commence le grand tapis de verdure de Prat-Soubéran, où la réunion de plusieurs sources forme le ruisseau de Rieumalais. Ce ruisseau descend en une succession de cascades écumantes entre des prairies et les arbres du frais vallon jusqu'au pont de Montvert où il va se jeter dans le Tarn. Ces eaux sont si limpides et forment à la chute des cascades des bassins d'un vert si cristallin que Stevenson, qui les côtoyait en descendant vers ce bourg par une route assez bonne, fut pris d'une folle envie de se dépouiller de ses vêtements souillés de poussière et de baigner ses membres nus dans cette air et cette eau si pure de la montagne. Après une descente opérée rapidement, mais sans incident digne de remarque, Stevenson et sa fidèle compagne Modestine arrivèrent au pont de Montvert, lieu de tragique mémoire.